C'est pour cela, tyran, que ta gloire ternie fera par ton forfait douter de ton génie, qu'une trace de sang suivra partout ton char, et que ton nom, joué d'un éternel orage, sera par l'avenir ballotté d'âge en âge entre Marius et César. Tu mourus cependant de la mort du vulgaire, ainsi qu'un moissonneur va chercher son salaire et dort sur sa faucille avant d'être payé, tu saignis en mourant ton glaive sur ta cuisse, et tu fus demandé récompense ou justice au Dieu qui t'avait envoyé. On dit qu'au dernier jour de sa longue agonie, devant l'éternité, seul avec son génie, son regard vers le ciel parut se soulever. Le signe rédempteur toucha son front farouche, et même on entendit commencer sur sa bouche un nom qu'il n'osait achever. Achève. C'est le Dieu qui règne et qui couronne, c'est le Dieu qui punit, c'est le Dieu qui pardonne. Pour les héros et nous, il a des poids divers. Parle-lui sans effroi, lui seul peut te comprendre. L'esclave et le tyran ont tous un compte à rendre, l'un du sceptre, l'autre des fers. Son cercueil est fermé, Dieu l'a jugé. Silence. Son crime et ses exploits pèsent dans la balance. Que des faibles mortels la main n'y touche plus. Qui peut sonder, Seigneur, ta clémence infinie? Et vous, peuple, sachez le vain prix du génie qui ne fonde pas des vertus.